Audiomatique. L'introduction d'Audiomatique a toujours été et sera toujours musicale, et cette transmission 1-5-8 ne fait pas exception à la règle, puisque dès les premières secondes, nous vous avons présenté la chanson Music People, interprétée par le projet I Am X, incarné par le Britannique Chris Corner, celui-là même qui était à la tête de la formation Sneaker Pimps de 1994 à 2005. Depuis le printemps 2015, on prévoit la sortie d'un quatrième album de Sneaker Pimps, mais on attend toujours. La diversité des sonorités qui émanent des environnements musicaux synthétiques créés par les artistes pousse les électronistes à continuellement explorer au-delà des frontières de la convention pour aller chercher des pièces dans les coins les plus lointains de la planète. Voici le groupe chilien Astro et sa pièce Rico. El sol me dice que se acaba el tiempo.

La séquence de trois pièces se terminait sur la musique du groupe de feintes, de qui nous entendions la pièce de Conductor, tirée de l'album Danse Macabre, paru en 2001. Auparavant, c'était Solvent, le projet de Jason Hamm, de son album Solvently One Listens, sorti en 1999, nous écoutions la pièce Un Knock. Et pour débuter la séquence, c'était la formation Astro et la pièce Rico, qu'on peut trouver sur l'album Chicos de la Luz. C'est au tour du groupe américain LOL d'assurer la continuité musicale à Audiomatic. Here we go on. Thank you. skeleton sets of booths are forever at your neck. It's a need on us. Then will they so simply slip you bait to the improved mutes and slave stakes in a king's bed? Left only waged your once infant neck, half hugging the work blades, one way embrace. Your head led off into that last capture, and then replanted in a bed of upper class laughter, wherein it is never picked nor tended to. Only left to a decade of death uneven under the spur slash sleigh of all seasons. And you. You are singing. Yet in you still all day has resulted. And you. You are singing. It's perhaps pride of all pulses. Yet. You are singing. You are singing. Yet. You are singular. Yet you get no god to catch your back against the maggot sluice. You got no one ape, you owe all that bone structure to. Yet whether molded, evolve, your meaning of life long divided by day is to die. So this means terrible things to those who cherish the dead, who think in flames are safe for their beliefs. The lead that no river ever ends, that the sun and moon are simply miscommon, that the dark and light cross on us for to give you no pain. Full of weather, this will only work once. You are only once. Only once. Not the gold fed thing, and ain't a chamber to reduce to. What amongst pulsing on you, a hardwood of my speech, though? Yeah, perhaps that what you had promised to feel. Give a ticket, take a tiny breath called stroke. And the mayhem at the method it is held of all your yoke. Get rid of you, you will be lucky to help like you are when thought is clear about yourself. And no, recall that all of the fears that stain is sleeping. Pink for your venue, sleeping for your pinks, all done, I don't have to. You will be lucky to have that heart attack at you. So you don't and never did see bursting sun or tip. Where when I rise your window shut, no, you see lies to live. À Audiomatique, le groupe 13 and God nous offrait la chanson Death Major de leur album Own Your Ghost. 13 and God est formé de musiciens provenant des groupes Themselves, Subtle et The No Twist. Tout juste avant, il s'agissait du duo Sister Crayon et la chanson End Glass, trois petits points, de leur album Bellow. Sister Crayon est menée principalement par Tara Lopez, qui est aussi connue pour son projet Rituals of Mine. Et pour débuter, le groupe originaire de Chicago, A Lull, interprétaient la chanson « Femme » de leur premier album « Confetti ». La prochaine séquence à Audiomatique sera uniquement constituée de la musique du projet Gas. Nous entendrons les parties 1 et 2 de la pièce Narcopop. Il s'agit d'une musique très hypnotisante et contemplative qui doit être écoutée attentivement dans un endroit et un état d'esprit adéquat. N'empêche, peu importe où vous êtes présentement et quoi que vous soyez en train de faire, la musique de Gas sera très certainement teintée votre environnement d'un certain mysticisme. Thank you. l'envoûtante musique qui meublait notre environnement sonore depuis les 14 dernières minutes est une gracieuseté de l'artiste allemand Wolfgang Voigt et de son projet Gas. Nous écoutions ainsi les deux premières parties de sa dernière œuvre Narcopop, parue un peu plus tôt cette année. Si vous avez aimé l'ambiance dans laquelle cet extrait de Narcopop vous a plongé, eh bien nous vous recommandons fortement de pousser plus loin votre exploration et de découvrir la totalité de cet album de Gas. C'est le moment de vous présenter la dernière pièce de l'émission. Elle sera l'œuvre d'un artiste allemand qui se faisait appeler Prose, mais qui maintenant est mieux connu en tant que Bee Lakes. De Prose, nous entendrons la pièce Even If You Fall de l'album Salty Sea, Polaroid Evening. Les électronistes vous donnent rendez-vous mercredi prochain dès 17h. Pour entendre en direct la transmission 159 d'Audiomatic. Si, par hasard, cette plage horaire ne vous convient pas, sachez qu'il est toujours possible d'écouter les transmissions d'Audiomatic en différé en accédant à nos archives via nos profils facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici donc Prose et sa composition Even If You Fall. C'était Audiomatic avec les électronistes.